Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous ouvrons l'émission avec Dominique Boudreau. Il est coordonnateur scientifique au Centre de démonstration en sciences physiques. Et il devrait avoir hâte que le soleil arrive car il a choisi de nous en parler. Alors, bonjour Dominique. Bonjour François. Justement, j'ai attendu le retour du beau temps pour vous en parler. En fait, c'est ce qui m'a inspiré. Oui, et tu es d'ailleurs très lumineux, alors je te laisse parler du soleil. Merci François. Donc, c'est ça, le retour du beau temps m'a inspiré de vous parler du soleil et d'un de ses personnages, comme tu l'as mentionné François, d'entrée de jeu, qui nous a permis d'en savoir plus sur sa composition. Il s'agit de Josef von Fraunhofer et la technique qui est encore utilisée aujourd'hui est très importante en astrophysique, mais aussi dans presque toutes les branches de la physique. Je nomme la spectroscopie. Mm-hmm. Disons, pour repartir sur des bases plus sens commun, vous avez tous déjà observé un arc-en-ciel, évidemment. Uh-huh. C'est dû à la lumière du soleil, qui mm-hmm. est blanche de façon générale, qui est dispersée par les gouttes d'eau. Uh-huh. Donc, ce spectre, on appelle ça comme ça, cette uh-huh. diffusion de la lumière en différentes couleurs, on peut l'observer aussi lorsque la lumière frappe un biseau dans une vitre ou dans un miroir, ou des fois, il y en a qui accrochent des cristaux aux fenêtres. Vrai. On peut observer donc un arc-en-ciel sur le mur quelque part. En fait, c'est Newton, en 1666, qui va faire une expérience déterminante où il va faire justement passer la lumière dans un prisme, il va décomposer la lumière dans son spectre, puis il va montrer que c'est pas le prisme lui-même qui obscurcit la lumière blanche et donne la couleur, mais bien que c'est la propriété de la lumière blanche de contenir toutes les couleurs. Oui, c'est lui qui va faire la démonstration de ça. Ça semble évident aujourd'hui. Finalement, c'est ça. Exact. Donc, c'est la lumière blanche qui contient toutes les longueurs d'onde, toutes les couleurs. Oui, parce que de prime abord, on a l'impression que la lumière blanche, que c'est... Il y a un faisceau de lumière blanche et c'est tout, mais dans le fond, c'est une addition d'une multitude de couleurs. Exact. Donc, on pensait que la lumière blanche était la lumière pure. Oui, c'est ça. Et que la couleur devait provenir nécessairement du cristal lui-même. Exactement. Alors, ou du prisme. Mais en fait, il va faire l'expérience un peu inverse. Il va reprendre chacune de ces couleurs-là, il va les refocaliser au même endroit, puis il va montrer que ça donne du blanc. OK, donc, ça recompose le blanc. Voilà, exact. Bien, Fraunhofer, lui, il va arriver, en fait, 100 ans plus tard, plus de 100 ans plus tard, en 1787, en Bavière, dans le sud de l'Allemagne. Puis il va faire avancer l'optique d'un grand pas. En fait, pour faire une histoire courte, là, il devient orphelin à 11 ans, puis à 14 ans, lorsqu'il travaille dans un atelier de soufflerie de verre, l'atelier s'écroule sur lui, c'est un prince qui vient le chercher, qui sort des décombres, puis comme c'est un prince, ben, il y a un peu d'argent, ça va lui donner le temps d'étudier. À 19 ans, il va s'en aller travailler à l'Institut d'optique, où il va développer des machines pour mieux polir le verre. À l'époque, donc, les télescopes deviennent de plus en plus importants. Mm-hmm. Depuis Galilée 1608, on a commencé à faire des télescopes, on observe le ciel, donc on en fait de plus en plus. Mais les verres ne sont pas de super bonnes qualité. Et donc, il va développer des machines pour mieux les polir. Il va inventer une nouvelle fournaise pour faire du meilleur verre. Il va même développer de nouveaux types de verre. Okay. Donc, c'est là qu'il va avancer toutes sortes de techniques très précises. À partir de 1812, il va observer le soleil, évidemment. Il va le décomposer, comme Newton l'avait fait. Mais il va observer très en détail ce spectre-là. Puis il va observer qu'il y a des lignes sombres dans le spectre du soleil qui semblent continuer. Ça semble être un arc-en-ciel continu quand on regarde la lumière du soleil. Mais en fait, quand on regarde en détail, il y a des petites lignes sombres. Comme des raies, quoi, qui manquent? Comme des raies, oui. C'est comme ça qu'on appelle ça, effectivement, en physique ou en science aujourd'hui. Pour les observer mieux, il va utiliser une espèce de télescope pour observer vraiment précisément. Puis il va en identifier des centaines de raies sombres comme ça dans le soleil. Ah, tiens. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces raies-là, en fait? Effectivement. On se demande. Aujourd'hui, on le sait bien. Mais aujourd'hui, on appelle encore ces lignes-là, la plupart de ces lignes très présentes qu'on voit facilement, on les appelle les lignes de Fraunhofer en son honneur. Okay. Maintenant, c'est en 1821 qu'il va changer de méthode. Au lieu d'utiliser un prisme pour décomposer la lumière, il va utiliser ce qu'on appelle un réseau. Et ça, c'est fascinant parce que les réseaux, aujourd'hui, on s'en sert dans plein de domaines. Entre autres, en télécommunication, il y a des réseaux de Bragg qu'on appelle, dans les fibres optiques, qui nous permettent de décomposer les spectres. C'est beaucoup utilisé. En fait, aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment les prismes pour disperser la lumière, on utilise des réseaux. Qu'est-ce que c'est un réseau? Oui. En fait, c'est une série de petites fentes très, très minces, collées les unes sur les autres. Quand on fait passer la lumière à travers ce prisme ou cette structure, on obtient un spectre. Le meilleur exemple, c'est en fait, si vous avez des mousselines, des rideaux en mousseline chez vous, observez ce soir, quand il va faire noir, la lumière du voisin ou une lumière assez éloignée. Quand on a une petite lumière et qu'on regarde à travers une mousseline, ça fait comme une croix, en fait, autour de la lumière. Puis si vous observez comme faux, c'est plein de petits points qui composent cette croix. Ça, c'est une décomposition. En fait, on appelle ça de la diffraction. Oui. Si vous observez comme il faut, ça se pourrait que vous verriez, en fait, vous voyez des petites arc-en-ciel, plein de petites arc-en-ciel. Donc, en se servant de ce réseau, ça devient beaucoup plus précis. Mais mieux que ça, avant, entre la couleur jaune, orange, verte, dans l'étalement de la couleur, quand on regarde un arc-en-ciel, c'est pas évident de déterminer où est la différence entre une lumière pure, entre une couleur et une autre. Avec un prisme, à l'époque, on vient de d'inventer ou de mettre sur pied la théorie ondulatoire de la lumière. Parce que Newton pensait que la lumière, c'était des corpuscules. Ah, OK. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est des photons. Mm-hmm. À l'époque, on pensait que c'était des particules. On a eu la théorie ondulatoire. C'est revenu aujourd'hui. On pense que c'est un peu les deux. Mais cette théorie ondulatoire permettait le calcul assez facile de la longueur d'onde de la lumière. Et ça, c'était tout à fait nouveau. On pouvait juste parler de couleur, alors que maintenant, en mesurant la distance jusqu'à l'écran lequel on regardait, sur lequel on regardait la dispersion de la lumière, la distance entre les fentes, puis la distance à partir d'un point de référence jusqu'à l'arrêt sombre qu'on observait dans la lumière, dans la dispersion du soleil, dans le spectre du soleil, toutes ces mesures-là, faciles à prendre, on pouvait déterminer la longueur d'onde. Et donc, Fraunhofer venait de quantifier cette méthodologie, en fait, cette spectroscopie, mm-hmm. qui permettait d'identifier beaucoup plus facilement les raies en question. Et plus précisément aussi. Et là. Beaucoup plus précisément. Ça va arriver un peu plus tard, en fait, que certaines personnes, comme Bunsen, des gens qui connaissent un peu... Oui, le Beck Bunsen. Le Beck Bunsen, voilà, les brûleurs, oui. Les chimistes, voilà. Mais Bunsen, avec Kirchhoff, pour les lois de l'électricité, pour ceux qui connaissent, vont, dans les années 1859, identifier que certains métaux ou certains éléments chimiques, quand on les met en solution puis qu'on les brûle, ils émettent, quand on les soumet à un prisme ou à un spectre, comme ça, donc on décompose leur lumière, on voit des bandes apparaître. Et mm-hmm. ces lignes-là détermine précisément ou nous permet d'identifier l'élément chimique auquel appartient ce spectre. C'est un peu comme une signature, quoi. La signature, exactement, spectroscopique exactement. Des éléments. Et donc, les éléments ont des signatures plutôt simples, mais ça a permis à des scientifiques d'identifier quels éléments se retrouvent sur le Soleil. Quand on est capable de dire qu'il y a une raie à 569 nanomètres de longueur d'onde pour le sodium, disons, bien, et qu'on retrouve avec cette même raie dans le Soleil, ça veut dire que dans le Soleil, il y a du sodium. Okay. Et donc, on a identifié comme ça la composition du Soleil grâce aux avancées des travaux de Fraunhofer. Et les raies dont tu parlais, ça correspond aux éléments finalement qui sont absorbés par la lumière du Soleil, quoi? Alors là, il y a plusieurs techniques, mais effectivement, ça peut devenir compliqué. Mais disons, le Soleil émet un spectre continu. Et les éléments qui sont sous forme de gaz dans l'atmosphère du Soleil absorbent certaines longueurs d'onde bien précises. Et c'est pour ça qu'on les voit sombres. Okay. On peut faire l'inverse dans les lumières comme les néons. Oui. Tout le monde connaît les néons. Oui. Mais le néon, c'est un gaz rare, il est raréfié. En fait, il est basse pression dans le tube comme tel. On soumet à l'électricité. Ça éclaire, ça fait un plasma. Cette lumière-là, si on décompose sa lumière grâce à un prisme ou à un réseau, on voit des raies. En fait, on voit presque toutes noires, sauf certaines raies lumineuses. Exactement. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on voit avec le Soleil. Même chose pour les fluorescents aussi. Là. Exact, tout à fait. Et donc, quand on fait ça pour des néons, disons, on est capable d'identifier les lignes du néon. Mais si on retrouve du néon dans une atmosphère d'étoiles, on verrait ces raies-là sombres, parce que l'étoile émet un spectre continu, mais le néon va absorber ces longueurs d'onde-là. Donc, ça nous permet justement, pas juste pour le Soleil, mais pour n'importe quelle étoile, d'observer sa lumière, de décomposer, de regarder son spectre et d'identifier quel élément compose l'atmosphère de cette étoile. De cette façon-là, donc, on a pu identifier différents types. Même Fraunhofer a classifié les types d'étoiles selon leur spectre. Bon, vous allez me dire, aujourd'hui, ça sert à quoi, en fait? Bien, déjà, petite anecdote, sur le Soleil, on a découvert un élément, à un moment donné, qu'on n'avait pas découvert ici sur la Terre. On a vu des lignes qu'on n'avait jamais découvertes dans les flammes de certains éléments. On a appelé l'hélium, pour hélios, qui vient du grec. C'est un mot grec qui veut dire soleil. Okay. C'est 20 ans plus tard seulement qu'on a découvert cet élément-là sur Terre. Donc, fait assez intéressant. Oui. Aujourd'hui, les réseaux de diffraction sont utilisés en cristallographie, entre autres. En 1950, c'est comme ça qu'on a pu identifier la structure hélicoïdale, double hélicoïdale de l'ADN en cristallographie, donc en diffraction. Mais alors là, on utilisait de la lumière rayon X. Puis aujourd'hui, ça c'est intéressant, les auditeurs, vous pourrez prendre un billet de banque. C'est utilisé pour empêcher les faussaires de faire de la fausse monnaie. Les nouveaux billets en plastique? Les nouveaux billets en plastique. Il y a un petit rond en haut, je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite, il y a une feuille d'érable. Oui, oui. Si vous envoyez un petit laser, qu'on peut se procurer chez les marchands bon marché de... Les pointeurs laser. Les pointeurs laser, voilà. Si vous envoyez un pointeur laser dans cette petite région, vous allez voir apparaître un symbole. En fait, si c'est un 5$, vous allez voir apparaître un 5 avec un symbole de dollar. Ah, si c'est un 20, okay. avec un 20. Pourtant, ça ressemble à rien. Et en fait, aujourd'hui, on est capable, au lieu de juste avoir des lignes qui décomposent la lumière, on est capable de fabriquer un patron de ligne, une structure de ligne qui va nous donner un dessin. D'ailleurs, si vous achetez... Un hologramme, quoi? Est-ce qu'on peut dire... Les hologrammes sont effectivement un peu le même genre, mais ça se trouve être l'inverse qu'on a mis sur une plaque photographique. Puis quand on regarde maintenant, on voit comme, en fait, un réseau qui nous permet de voir ce qui a été photographié. Donc, l'hologramme est effectivement la photographie holographique. Et le même principe. Donc, aujourd'hui, même les petits pointeurs laser qu'on peut acheter aujourd'hui, il y a plusieurs têtes qui viennent avec, puis on peut faire un sourire, ou on peut faire une petite souris, ou une tête de mort, des trucs comme ça. Donc, c'est le réseau qu'on a gravé. Donc, c'est en comprenant comment on peut graver des petites lignes qui vont se transformer en un dessin, parce que c'est pas un dessin de petites lignes. Ouais, c'est pas un petit dessin de face de sourire lorsqu'on le fait, c'est vraiment un réseau de diffractions. Ça, ça sera développé en fait plus tard par un mathématicien, un physicien mathématicien qui aura introduit ça, qui s'appelle Fourier. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine chronique. Tout à fait. Mais merci Dominique, en espérant voir davantage la vie en rose. Alors, on va certainement aussi se revoir peut-être à la saison prochaine. Certainement. Bon, alors écoute, sur ça, on va faire une pause musicale sur CKRL 89.1. Au retour, on vous parle d'un mur qui fond et se resolidifie.